Lettre 11e, Agathoclès à Phocion, Rome, mars 301. Cette lettre sera la dernière que je t'écrirai de Rome. Sous peu, je quitte cette ville pour faire la campagne. Je vais aux lieux vers lesquels la terre entière a tourné ses regards, servir la cause de Tiridate. Ne me taxe pas de légèreté dans mes opinions, en me voyant prendre un état déchu de sa dignité, et contre lequel je me suis si fortement prononcé. J'ai besoin d'être occupé. Il me faut une vie active, des devoirs obligés. Dans ma situation, l'oisiveté dans laquelle je me plaisais deviendrait un poison pour mon âme. Calpurnie est trop aimable et trop légère. Il est impossible de vivre auprès d'elle sans l'adorer, et plus impossible encore de la posséder et d'être heureux. Plus je me sens entraîné vers elle, plus je suis convaincu que nous ne nous convenons pas. Je dois donc, pour elle, pour moi-même, détruire cette magie, et je ne puis y parvenir que par l'éloignement. La guerre qui se prépare m'en fournit l'occasion. Elle m'inspire moins de répugnance que les précédentes. Il ne s'agit pas de nouvelles conquêtes. Un souverain légitime doit reconquérir sa couronne à main armée et venger dans le sang des barbares la honte du passé. C'est ainsi que le but ennoblit l'action. Je ne rougis point d'y concourir et d'employer mes forces, mon courage, pour une si noble entreprise. Tiridate s'est rendu à Milan auprès d'Auguste Maximien. Je le suivrai dans peu, nous nous embarquerons à Ravenne, et j'espère me trouver à Nicomédie dans une quinzaine de jours. Mon père me mande que tu n'y es plus. J'en ai éprouvé un bien vif chagrin. Appelé à l'Académie d'Athènes, tu quittes ma ville natale au moment où mon destin m'y ramène. Quel plaisir je me faisais de t'y retrouver. Les dieux en ont ordonné autrement. Il faut supporter cette nouvelle épreuve comme toutes celles dont ma jeunesse fut entourée. Mon père m'a écrit avec amitié, avec bonté. Il ne m'y avait pas accoutumé. Je sens avec la plus tendre reconnaissance, cher Phocion, qu'à toi seul je dois cet heureux changement. Tu me laisses en partant un présent bien doux, bien cher à mon cœur. J'espère que mon père sera aussi content de moi. Je lui ai parlé de mon projet de faire la campagne, en le priant de m'accorder son aveu. Comme il désire depuis longtemps me voir lancé dans une carrière quelconque, je suis bien sûr de l'obtenir. Si cette lettre te trouve encore chez lui, exprime-lui ma reconnaissance filiale et dis-lui qu'incessamment je le ferai moi-même. Adieu, cher Phocion. Je suis occupé des préparatifs de mon départ, je ne puis prolonger ma lettre.